dans les studios la semaine dernière en live, vous avez l'occasion de l'apprécier en musique. Ça s'est passé donc dans les studios entre 22h et 23h la semaine dernière. Son nom, il s'appelle Alix, retenez-le. Vous allez le voir sur scène ici à Barcelone et à travers la planète, je l'espère, en France, bientôt je l'espère aussi. Très bientôt, il passe au Reborn, on donnera l'info la semaine prochaine. Oh bah j'espère, j'espère. En tout cas, nous on y sera devant. Alix, je sais que tu nous écoutes, hein, puisqu'on a reçu tout de suite là par le biais de notre ordinateur qui est en live branché à travers la planète. Alix, c'est vrai. Une fan qui nous a envoyé un message à l'instant, quoi, qui dit comment trouver l'album, comment rencontrer cette personne. Effectivement, d'ici peu, ça sera possible. Je l'espère. En tout cas, il reviendra dans les studios avec le plus grand plaisir. Et puis en musique, comme il l'a fait la semaine dernière, aussi sympa, parce qu'on a eu des petits soucis de branchement, ça s'est passé super rapido, aucune embrouille, lui l'a joué pour le plaisir, c'était déjà pas mal. Super bon test, hein, ça c'est clair, la balle c'était Showtime, c'était Alix. Tu la reconnais, les vrais. Bon, bref, toujours est-il que c'était le titre s'appelait Mexico, tout à l'heure peut-être avec le plaisir on vous passera Under the Sun, c'est le deuxième titre de son album. Justement, Under the Sun, écoute, ça faut le dire à nos auditeurs en France. Bon, il se passe des choses en France, mais ici aussi, le soleil. Alors là, la plage, Barcelone en plein été. On dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh ben, écoute, en mai, fais ce qui te plaît. Eh ben, ici, à Barcelone, c'est déjà l'été, c'est de la folie. Hein. On parle de Pâques et tout, on hallucine. C'est de la folie. Nous, on est à la playa depuis une semaine, ça se passe comme ça. Mais là, on va déprimer tous nos amis parisiens et qui pensent pas forcément d'ailleurs à la plage et au soleil. Ils ont d'abord des choses à régler, des choses beaucoup plus importantes à régler, puisque demain, mardi, il y aura effectivement une cinquième journée de grève et de manifestation, en espérant que ça sera à la hauteur des mobilisations donc historiques. Hein. C'est comme ça qu'ils ont appelé les... Historiques. Ça s'est passé le 28 mars dernier. Il y avait entre 1 et 3 millions de manifestants en France. Tout le monde a essayé de se bouger le cul concernant ce projet de loi, le CPE, le contrat première embauche, que Dominique de Villepin a essayé de mettre au point. Chirac, lui, est passé à la télé vendredi dernier pour dire que le projet de loi allait continuer à fonctionner, sauf qu'il y allait avoir effectivement des grosses modifications, mais que le projet de loi était important. Donc résultat, tout le monde sera dans la rue demain. Ça se passera à Paris, dans toutes les grandes villes de France. Tout le monde va essayer de se bouger le cul. Et nous, qui sommes à Barcelone, on fera en sorte aussi d'être avec vous. Et c'est pour ça qu'on profite aussi de l'antenne de cette émission et des ondes de Contrabanda pour vous diffuser aussi, nous, notre opinion là-dessus, contre le CPE, contre le contrat première embauche. Et on est quand même relativement content de savoir que les Français, les étudiants, les chômeurs, les plus de 26 ans, même s'ils ne sont pas forcément concernés par le projet, se bougent aussi le cul. Ils ont retourné la Sorbonne, ils ont retourné les facs. Il y avait 69 facs qui étaient retournés sur les 84 en France. Ça fait plaisir de savoir que... Ouais, 69, ouais. Un chiffre que t'aimes plutôt pas mal, même si t'aimerais bien le pratiquer plus souvent. C'est vrai, ouais, tiens. Parce que tout seul, ça marche tiens, pas beaucoup. Tu crois ? Non. Ouais, sans blague. Détrompe-toi. Sans blague. Un petit bonjour à Mouchki, à ta meuf, non ? Peut-être. Ouais, à Mouchki, le chat est spécial dédicace à Marco, qui d'ailleurs est notre correspondant via Paris. Il nous envoie des infos, effectivement, sur le net. Et voilà, lui, il a vécu, comme tous les Français, les événements de près. Et justement, petite pensée aussi à un autre collègue, Fernando de la Pulperia, qui était prêt, enfin, qui est toujours prêt à partir demain pour Marseille, parce que attention, ça chauffe dur à Toulouse et surtout à Marseille, apparemment, d'après nos infos. Donc demain, grosse manif. D'ailleurs, si des fois quelqu'un a un covoiturage, nous on est prêt à bouger. On est prêt à se bouger clairement. Aussi, si on peut aller à Toulouse ou à Marseille, faire acte de présence et puis continuer aussi effectivement à balancer un petit peu contre ce projet de loi. On se fera un grand plaisir de monter dans une bagnole et de se casser en France, en tout cas dans le sud, pour manifester avec vous. Tu vois-t-il qu'effectivement, Fernando qui a son émission ici sur Radio Contrabanda tous les jeudis à partir de 12h30 ou 13h. Ouais, c'est ça, hein, c'est la Pulperia, ambiance bar, troquet et compagnie. Effectivement, et on vous conseille de l'écouter, cette émission, elle vaut le coup. Et puis Fernando, c'est un mec qui se bouge beaucoup le cul et qui effectivement, en tant que résident catalan, puisqu'il est espagnol d'origine, absolument pas français, lui-même est le premier à se déplacer pour aller en solidarité, manifester avec nos étudiants français qui seront dans la rue donc demain, toute la journée, manifestation partout en France, grève dans la fonction publique, les transports urbains, l'éducation nationale, mais aussi dans de très nombreuses entreprises du secteur privé. Bref, tout le monde est concerné. Ça, c'est clair. Pour nos amis parisiens qui nous écoutent par le biais du net, puisque je sais qu'ils sont nombreux, sachez que le cortège partira à 14h30 de République, comme d'habitude, hein, en direction de la place d'Italie. Et il y a un énorme effectif policier qui est mis en place et qui se sont mobilisés donc afin de prévenir contre les nouveaux incidents, parce qu'il y a eu quand même un sacré bordel Ça a chauffé. dans les dernières manifestations. Voilà. Donc voilà, soyez méfiants, faites attention, faites la fête, montrez-leur que voilà, on peut essayer de se bouger le cul avec le sourire et leur montrer que nous on est là pour faire la fête et que leurs conneries, leurs politiques et leurs idées de merde, parce que de toute façon c'est une idée de merde, hein, quand tu te fais embaucher que 25 minutes après on peut te dire dégage. Effectivement, il y a un petit souci, donc c'est bien d'avoir des idées, les amis, hein, mais encore faut-il que ça tienne un peu la route, et là, ça tient pas forcément beaucoup la route. Voilà, ça c'était un petit message perso, et effectivement, comme tu disais il y a 2 petites minutes pour notre ami Marco, qui j'espère nous écoute par le biais du net aussi à Paris, qui nous envoie un maximum d'infos concernant les manifs et le CPE, et bah sache Marco qu'on est dans le cœur avec toi et qu'on est très content d'avoir un maximum d'infos là-dessus, de ta part d'ailleurs, au passage. Ouais, vive les activistes, vive les gens qui se bougent, vive Effectivement. l'underground et carrément, voilà, faut participer à tout ça, quoi. Vive l'underground. T'imagines un peu le CPE, en sachant que De Villepin était un petit peu écarté du projet, sachant qu'il en prenait plein la gueule et qu'il était quand même à l'origine de tout ça. C'est quand même Sarko qui aujourd'hui Et tire les ouais, rênes de tout ça. C'est lui incroyable. qui va essayer de faire le démineur. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, le démineur. Exactement, incroyable. Et en plus, appuyé par Monsieur Chirac, incroyable. Sans blague. Et justement, à son passage chez l'Élysée, avait-il ses lunettes, mon cher Laurent? Parce que ça a défrayé la chronique il y a quelques mois. Monsieur, notre président, avec des lunettes, en bon grand-père, en vieux sage, à nous conseiller, nous les Français. Ah, le Ça vieux fait bien sage. marrer. Ah, merci Chichi de nous donner des conseils, c'est vraiment cool. Avait-il c'est son automne? Je sais pas s'il entend tout, je crois pas qu'il entende un peu. Il faudrait qu'il entende un petit peu ce qui se passe dans la rue, hein, parce qu'ils sont un peu en décalé les mecs. Ils vivent à l'Élysée, ils savent pas ce qui se passe dans le RERC, ils sont là les premiers à nous faire des projets de loi, mais ils savent pas comment marchent les entretiens d'embauche dans les entreprises. Ils savent pas à quel point les gens se foutent de notre gueule, ils savent pas non plus comment sont signés les contrats. Et à un moment donné, il va peut-être falloir qu'ils se décident à essayer d'écouter un petit peu les gens de la rue, les gens qui se bougent le cul et les gens qui en ont marre d'entendre leurs idées et leurs conneries, leurs projets de loi qui, de toute façon, va foutre plus le bordel qu'autre chose. Voilà, ça c'était pour le coup de gueule de Contrabanda, ici même. Des gabachos. Des gabachos, banda. Voilà, nous on vous tient dans le cœur et on vous soutient bien sûr, toute la solidarité, toute la radio, tous les Catalans et toute la Catalogne et toute l'Espagne, toute la planète aussi, je l'espère. Voilà, se joint à nous pour vous souhaiter bon courage pour demain, pour cette grande journée de manifestation. Es la révolution! La révolution, amigo, la révolution. Moi, je pense que, effectivement, donc, la semaine prochaine aussi, juste au passage, il y aura des gens de la FIDEL. La FIDEL, c'est, que je me rappelle bien, c'est la Fédération indépendante et démocratique des lycéens. Qui va avoir l'occasion d'intervenir dans cette émission. Et un des grands acteurs de cette fédération nous donnera un petit peu donc son opinion là-dessus, nous dira un petit peu comment ont évolué les choses, en sachant que maintenant, ils refusent que ce projet de loi ait des modifications quelconques. Ils veulent tout simplement que le projet de loi soit complètement et définitivement détruit. Ils ne veulent plus en entendre parler. Et on aura donc quelqu'un la semaine prochaine de la Fédération indépendante et démocratique lycéenne qui interviendra dans cette émission pour nous donner son opinion et nous dire comment se passeront les choses. Donc la fidèle. Moi j'ai eu peur au début, hein. J'ai dit tiens, il y aura la fidèle Castro qui déboule, mais qu'est-ce que cette histoire? Donc ok, bon, ah, j'étais pas au courant, tiens, au sujet de cette programmation de la semaine prochaine. Ma foi, très intéressant. Effectivement, les intervenants, plus on est à débattre, à discuter de projets actuels, d'actualités, mieux Et c'est puis je vrai. pense que c'est les meilleurs concernés pour nous parler de tout ça, puisque c'est eux qui se sont aussi beaucoup bougé le cul pour essayer de bouger un peu la France, pour essayer de contrer un petit peu ce projet de loi, qui ont manifesté dans les rues de Paris, qui se sont permis de prendre d'assaut la Sorbonne et certaines facs de France. Et effectivement, je pense qu'ils sont à l'origine aussi de tout ça, de tout ce qui se passe en ce moment en France contre ce projet de loi, le CPE. Voilà, vous, Gabachos, peut-être ne vous sentez-vous pas responsable de tout ça, ne vous sentez-vous pas concerné par tout ce qui se passe en France. Vous dites, bon, bah c'est bien, moi je vais à la playa tous les jours, Barcelone c'est cool, on boit de la cerveza, et puis il y a des nanas en string et en jupe culotte toute la journée. C'est vrai que c'est cool, c'est vrai. C'est vrai que c'est cool. Ah tiens. Mais n'oubliez pas ce qui se passe chez vous, n'oubliez pas ce qui se passe en ce moment, et n'oubliez pas d'être solidaire avec vos amis étudiants qui sont en France en train de manifester pour vous aussi. Et c'est vrai que c'est justement, je reviens à ce sujet-là, mon cher Lorenzo, c'est que on parle des étudiants, effectivement, ils sont sur le terrain, mais ça concerne tout le monde, parce que les gens précaires, les chômeurs, ça les concerne. Attention, attention. Donc ça, c'est vrai, ça s'est mobilisé dans les facs, tout ça, et ça en est arrivé à la rue, forcément. Forcément. Voilà. Donc ça, c'était juste pour la petite info. Si vous avez envie de nous filer un maximum d'infos, si vous avez envie de nous donner plus de renseignements là-dessus, si vous voulez nous donner vos opinions sur ces CPE, si vous avez envie de nous donner des rancards sur la façon dont ça se passe dans vos facs, sur les associations, sur les mobilisations, vous n'hésitez pas. Une adresse mail. Gabachos, à ne pas oublier le S, gabachosbanda, tout attaché, @hotmail.com. Oui, parce qu'on est deux maintenant dans cette émission. Gabachosbanda@hotmail.com. Toute la semaine, cette adresse mail vous est proposée pour vous donner l'occasion de vous exprimer aussi et pour nous donner aussi l'occasion d'avoir des idées à balancer sur cette antenne. Radio Contrabanda, c'est votre émission, ne l'oubliez pas, vous gabachos qui vous nous écoutez. Et ouais, et puis si vous avez envie de gueuler, chanter, raconter des blagues, tout et n'importe quoi, de toute façon la porte est grande ouverte, quoi. Alors là, venez tous. Ah, vous êtes les bienvenus, hein. Le studio il est pas grand, mais c'est pas grave, on peut y mettre pas mal de monde, notamment nos amis Batou Keros qui sont 12 dans le groupe et qui se sont très bien retrouvés dans ce studio, non? Ils ont tous trouvé une place ici, non? Ouais, on disait que c'était presque les Gypsy Kings dans une caravane, c'est vrai? Ouais, enfin la caravane, effectivement, je crois qu'elle est même encore plus petite que la caravane, mais enfin bon, toujours est-il qu'on arrive à rentrer, on arrive à se serrer. Et puis voilà, nous, ça nous fait du bien aussi, un petit peu de chaleur dans le studio, c'est toujours ça de gagner. Okay. Dans un tout petit instant, un petit Marley pour se mettre un petit peu dans le goût du jour. Ça va nous faire du bien après avoir parlé de tout ça. Surtout dans un tout petit instant, on va vous balancer des infos qui ne sont pas forcément les plus passionnantes et les plus agréables à entendre, puisqu'il y a des chiffres qui sont des tristes records. Voilà, on va. Wouhou! Donc spécial bull up, Selecta, yep, pour tous les Rastaman qui nous écoutent ce soir en direct. Yeah, good vibe, good vibration, yeah man. Spécial Bob Marley, yeah, boom, Selecta. Arrête tes conneries, s'il te plaît. Arrête tes conneries. On a un scud qui marche pas, qui marche une fois sur huit. Et on comprend pas comment la technique peut pas keblo des trucs comme ça. C'est pas possible. Ah ouais, d'ailleurs, notre responsable technique, Agabacho, est en train de manger ses dreads actuellement, là. Ouais, bah, tu m'étonnes. Bon, vous inquiétez pas, on va avoir du bon petit son, c'est clair, hein. On va changer de platine. Un petit bob. Ouais, bah, ça va aller très vite, hein. En plus, attends, c'est vrai, à chaque fois je remonte les marches, pour venir ici, à l'émission. Faut dire que nos voisins s'appellent Marley. Ouais. C'est vrai. On ajoutera un petit bob, un C4 au-dessus de Marley. C'est vrai que c'est une info importante pour les gens qui nous écoutent. Ouais, non, mais c'est vrai, pour recadrer un petit peu le studio, l'ambiance, tout ce qui se passe autour, les palmiers, parce qu'on voit les palmiers, attention, hein, des studios d'ici, Contrabanda, Plaza Real, donc de la balle. Hein, super, la balle, hein. On s'en fout. Super. Mais il fait nuit. Bon. Super. N'écoutez pas ces conneries. Appréciez, écoutez Bob Marley and the Wailers. Radio Contrabanda. Tous les lundis à partir de 21h30 et ce jusqu'à 23h30. All they want us to do, you see that we might get better. But tell the world that this is just another shaker. This world is mine, it can be yours, my friend. All I don't want you to do is pretend. So you got to run. Right now, move and groove. Marley and the Wailers. Vous êtes sur Radio Contrabanda. Si vous désirez intervenir par le biais de cette émission, malheureusement, on n'a pas encore l'occasion de vous donner la possibilité, vous, de pouvoir intervenir en direct dans cette émission. Mais ça ne serait tardé, j'espère, dans les quelques semaines à venir. Pourquoi pas? Ça sera beaucoup plus intéressant. Pourquoi et pas? En matière d'interactivité, ça sera beaucoup plus cool aussi pour nous de vous avoir ici, même sur cette antenne. Peut-être qu'un jour, si les platines Scud marchent, peut-être que le téléphone fonctionnera. Hein. Faut peut-être attendre. C'est vrai, bon, les baffes marchent en tout cas, on entend. On se rend compte qu'on est bien émis, que tout le monde nous reçoit. C'est cool, c'est déjà pas mal. Quel sacré bordel. Quel sacré bordel. C'est pas bien grave, hein. Nous on est là, hein. C'est déjà le principal. Hein. On occupe les ondes. Est-ce que tu crois que les micros fonctionnent ou pas? Ah bah j'espère bien, hein. Ma voix, ma ouais, petite voix c'est là. Pas sûr, hein. C'est pas forcément le cas, hein. Je sais pas, moi j'en suis pas certain. Je voulais te donner quelques petites infos, puisqu'il se passe des choses, il y a eu le site d'action ici en France, et puis à travers la planète aussi, pour vous donner des chiffres qui sont assez alarmants, et pour vous, en espérant que vous êtes un petit peu concerné par tout ça, et que vous prenez les choses à cœur, parce qu'il va falloir 25 millions de personnes depuis l'apparition du VIH et du sida sont décédées, donc depuis la fin des années 70 et le début des années 80, 25 millions de personnes. Donc à savoir peut-être à plus de un petit peu moins de la moitié de la population française, qui est de 63 millions, ça fait flipper. Ça calme effectivement. Et juste pour vous donner un petit chiffre encore qui est plus alarmant, c'est qu'en 2005, donc à savoir l'année dernière, 3,1 millions de personnes sont mortes du sida. Alors quand est-ce que les gens vont se décider à mettre des capotes? Toujours est-il que sachez qu'effectivement l'Afrique est essentiellement touchée, hein, puisque 25,8 millions de gens sont décédés du sida en Afrique subsaharienne, donc ça devient très très grave. Et aujourd'hui, plus de 40 millions d'individus dans le monde vivent aujourd'hui avec le virus du VIH. Donc, c'est dingue. Effectivement, il va peut-être falloir que les gens mettent des capotes, il va aussi falloir que nous, occidentaux, on se bouge le cul là-dessus. Ça serait bien, si vous avez envie de donner, si vous avez envie d'être généreux, que voilà, votre paye, vous, d'Espagnol ou de Catalan ou de Français, enfin bref, d'occidentaux, et si vous avez envie de lâcher 5 à 6 euros par mois, ce qui n'est pas énorme, ça vous évitera de fumer 3 clopes. Eh ben, sachez que vous pouvez le donner donc à SIDAction. Il suffit d'aller sur le site officiel du SIDAction. Et puis voilà, vous allez donner un petit peu de sous parce que beaucoup en ont besoin. Voilà, ça c'est pour les chiffres alarmants. Uh-huh. Et voilà. Tu disais un chiffre à la française, c'est quoi? C'est 40 000 personnes en France qui savent pas qu'ils ont le SIDA, hein, c'est bien ça? Ouais, enfin qui ont le virus. VIH, le VIH effectivement. Et il faut savoir juste que dans les années 80, il y avait environ 200 000 personnes qui vivaient avec le VIH dans le monde. Et que aujourd'hui, ce nombre est multiplié par 200. Voilà, 200 fois 200 000 personnes. Je te laisse faire le chiffre un petit peu de ce qui se passe sur cette planète. C'est proportionnel, en plus c'est dingue parce que ça va prendre des ampleurs, enfin assez gigantesques, quoi. Bah c'est surtout que d'ici 2020, il y aura peut-être 70 millions de personnes qui seront porteuses du VIH et tout ça dans le monde. Donc voilà, essayez d'être très méfiant là-dessus. On parlait il y a quelques petites minutes justement des petites nanas et de machin et des petites rencontres qui se font et rapido et machin. N'oubliez pas de foutre ce putain de truc plastique, hein. Voilà, ça coûte pas cher. Et puis nous d'ailleurs, par la même occasion, on se fera un grand plaisir dans cette émission de vous donner des capotes et de distribuer un maximum de préservatifs, parce que voilà, l'été arrive et qu'il y en a qui se lâchent, et puis il y en a qui se disent que ça arrive qu'aux autres, et puis il y en a qui oublient, et puis dans le feu de l'action, machin, etc. Moi je connais beaucoup de gens qui font la morale en disant effectivement faut mettre des capotes, protégez-vous, etc. Et puis dans le feu de l'action, l'excitation prend le dessus, et puis pas de capote, et puis après c'est la merde. Ah, attention, enfin de toute manière, pour ceux qui nous connaissent ou autres, effectivement, moi personnellement, voilà, moi j'ai toujours une capote dans ma poche. Bah, si quelqu'un en a besoin, hein, Lorenzo, pareil, hein, on est concerné. Bien sûr, on se soutient. Tout le monde est concerné. et soyez-le si vous n'êtes pas effectivement conscient de tout ce qui se passe, c'est un fléau dramatique. Et depuis des années maintenant, on n'a pas de solution pour ça, toujours pas de solution. Donc la seule qu'on peut vous proposer et qu'on vous demande de faire, c'est celle de vous protéger. Il y a des capotes féminines maintenant qui sortent, hein. Je sais que ça peut paraître surprenant, je sais que ça fait rire ouais. Certains. T'en as en stock, toi, Lorenzo, je crois, non? Bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut, moi. Encore faut-il qu'effectivement, les gens se bougent un petit peu là-dessus et puis prennent les choses à cœur. Parce qu'il va peut-être falloir commencer à être conscient de ce qui se passe réellement. Voilà, ça n'arrive pas forcément qu'aux autres. C'est des choses qui concernent tout le monde. Et voilà, Il faut pas attendre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Un petit bout de plastique, c'est rapide, c'est chiant, mais c'est rapide et il faut les mettre. Et comment dire, toi, Lorenzo, tu as peut-être une petite explication de l'origine, parce que ça, c'est comment dire, c'est particulier. Personne ne sait d'où ça vient, ça. Non, effectivement, fin des années 70, début des années 80, il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'il y avait effectivement donc le virus du VIH qui existait, qui se transformait donc avec la maladie qu'on appelle le sida, et qui est une maladie incurable et qui fait grimper le taux de mortalité. Voilà, aussi bien en Afrique surtout qu'à travers toute la planète. Tout le monde est concerné, c'est pas des conneries, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, et soyez méfiants de tout ce qui se passe, voilà. Bon, et pour vous avez compris. Et pour mettre des capotes. Et pour nos amis, pour la gente féminine qui nous écoute aussi par le biais du net, puisque voilà, c'est le principal concerné. Je sais qu'il y a un certain nombre de mecs qui mettent pas des capotes. Il y a des mecs qui aiment pas ça. Il y a des mecs qui pensent pas à ça. Il y a des mecs qui se disent voilà, moi je l'ai pas, et puis tu l'auras pas, et puis voilà, il y aura pas ça. Et ben voilà, il faut pas écouter ce genre de mecs. Et quelle que soit voilà la motivation qu'ils vous donnent et l'excitation dans laquelle ils vous mettent, ben voilà, vous oubliez. Vous rangez la culotte et tac, on oublie. Et inversement. C'est comme ça que ça se passe. Également, et puis, si quelqu'un vous dit ça, c'est que c'est un mec qui est pas bien. Voilà. Non, mais ça, c'est important, sans déconner. Vraiment, c'est important. Moi, j'ai halluciné sur les chiffres et chaque année, j'hallucine. Et voilà, on est tout le temps les premiers à dire oh putain, c'est chaud, oh, putain, merde, qu'est-ce qui se passe, etc. Va peut-être falloir qu'on commence à prendre conscience du truc. Et puis, au résultat, chaque année, voilà, les chiffres augmentent. Ça fait peur, ça fait flipper. Voilà, vous êtes sur Radio Contrabanda dans un tout petit instant à 22h15. A priori, les bateaux Kéros de la Calier devraient pas tarder à venir dans les studios chanter. Ouais. Pour votre plaisir, pour notre plaisir. En attendant, la mano negra, mala la vida, puisqu'on parlait de ça il y a deux petites minutes. Voilà, ils nous l'ont rappelé il y a quelques années. Mala la vida, ça se passe dès maintenant sur Radio Contrabanda. 91.4, c'est la fréquence sur laquelle vous nous écoutez. Et puis par le biais du net. www.contrabanda.org. Yeah. Salut. Porque trato yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tana mía corazón está sufriendo tana mía por favor sufriendo malnutrición me estás dando mala vida Cádiz te la trae mi corazón dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas toma un cabrón C'est l'album du Best of de la Mano Negra. Ça se passe ici, là, sur Radio Contrabanda. Yeah. Je t'appelle dans un tout petit instant les Batuqueros de la Calle. Sur Radio Contrabanda, juste pour le plaisir. Ah oh là là, c'était la bonne époque, Putas Fever. Et ouais, ça fait déjà presque une quinzaine d'années, la Mano Negra. Et écoute, justement, Lorenzo, à ce sujet-là, quand Manu Chao a fait sa petite tournée barcelonaise, c'est-à-dire c'est plusieurs dates à la Salamandra, il y a de ça combien de temps déjà? Presque 2 mois. Ouais, ça va faire un petit mois et demi maintenant. Et ben pour la dernière de ces soirées, il y avait ce chanteur-là qui chante en arabe. Et tout le monde était surpris parce qu'effectivement c'était la grosse surprise. Méga surprise quoi, retrouver ça 15 ans en arrière, ça fait plaisir. Un gros bœuf avec Manu Chao quoi. Ça fait plaisir. Et d'ailleurs, ils ont pris autant de plaisir d'ailleurs à rechanter un petit peu avec lui certainement. Toujours tout autant d'ailleurs que pour le public qui a été d'ailleurs, comme tu disais, les premiers surpris à le voir aussi sur scène réapparaître. Manu Chao qui revient d'ailleurs d'une tournée en Amérique latine. En Amérique latine, il a été où entre autres en Argentine. Mexique. Il a commencé par le Mexique. Qu'il a terminé par le Mexique en passant effectivement par la Bolivie, par le Venezuela, par l'Argentine et il en a fait d'autres d'ailleurs. Les dates précises on les connaît pas, on aura j'espère l'occasion de vous les donner très prochainement, puis peut-être ici à Barcelone, peut-être un jour en France. Exactement. Voilà, j'imagine qu'il sera amené aussi à aller donner un petit peu de joie de vivre et de musique comme il le fait pour nos amis français qui en ont bien besoin en ce moment. Dans un tout petit instant, les Batuqueros de la Calle, pour ça il faut que la porte soit ouverte. Et pour que la porte soit ouverte, il faut que tu descendes. Et ouais, c'est forcément le rituel. Écoute, on va faire un petit aller-retour, monter 3-4 étages, aller à la fontaine. Et je reviens avec nos invités, c'est bien sûr. C'est déjà pas mal que la radio te fasse. Ça te fait faire du sport en fait, mine de rien, de venir ici. T'inquiète la pêche, mon frère. T'inquiète la pêche, c'est parti. Quant à nous, on va écouter un tout petit peu de son. Voilà, vous allez écouter un petit peu les groupes de Barcelone sur un album qui s'appelle La Colifata, Siempre Fui Loco. Et effectivement, c'est pour les locaux. Quatre petits titres en attendant que nos amis Batuqueros de la Cali prennent place ici dans les studios, branchent leur guitare, prennent les micros tranquillement. Ils vont venir vous chanter tout ce qu'ils ont l'occasion de faire sur scène ici à Barcelone, que ça soit dans les petites salles comme le Corto Club, comme d'autres salles, Cali Escudelias, comme ça va avoir lieu mercredi prochain, gratuit à partir de 22h. Et puis aussi samedi soir et dimanche soir, et puis ils vont nous donner un maximum de dates, et tout ça pour que vous puissiez aller les apprécier sur scène, ça vaut le coup. En attendant, nous, petite musique de fond. Ils vont arriver dans un tout petit instant, juste le temps pour Sylvain d'aller les chercher. Et nous, musica. Il est 22h25, vous êtes sur Radio Contrabanda. Me la mataron volando por la plaza, un desgarro de un desgraciado de arrastre, suelo de basura lleno, la 25 entre la gente, griterío. Enamorado de Barcelona, andaba enamorado de Barcelona, andaba enamorado de Barcelona, andaba enamorado de Barcelona. Me he matado que no me enterado, que por vente duro me la mataron. Caracoles, la pollería, como embocado, garrante, el suelo de basura lleno, la vivo entre la gente, griterío. ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado, que por vente duro me la han mandado, volando por la plaza, un desgarro, de un desgraciado, garrante, el suelo de basura lleno, la vivo entre la gente, griterío. De Barcelona andaba enamorado, de Barcelona andaba enamorado, de Barcelona andaba enamorado, de Barcelona. Estoy en el manicomio. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Subiendo San Juan arriba, mi palanca reventó. Subiendo San Juan arriba, mi la Virgen me levantó, ahí se va mi canoa, a vete, ahí se va mi canoa, a vete, dominando la aurora, a vete, dominando la aurora, a vete, y esos panes pa' que son, pa' tomarlo con café, y dice coro, esos panes pa' que son, pa' tomarlo con café, ahí se va mi canoa, a vete, ahí se va mi canoa. Pa' que el mundo se entere de ese pueblo sin igual, que con el cotrujo a la cabeza dejó en su pueblo la libertad. Gitana, yo quiero verte bailando a mi compás, moviendo esa cintura y hasta que no pueda más. Gitana, vente conmigo, piérdete a mi lado, con esos ojitos verdes que Dios sabe son pecado. Gitana, no de la espalda, que sin ti solo sé sufrir, cualquier vida sin ti para mí es mal vivir. Aunque desde el talego yo te echo de menos, y usted sabe que va mi cara de morir. Aunque desde salvarme, sácame de aquí, que me han cortado las alas y no puedo salir. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Aunque desde el talego yo te echo de menos. Directamente del hospital, radio La Colifata, directamente del hospital. Buenas tardes, aquí transmite el F22, radio La Colifata, directamente del hospital. Tu dolor, perdida en sombras, vas a bailar la última noche de enfermedad. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Yo estoy en el manicomio. Paranoia, base neurótica, obsesiva, siempre lo fui también en la infancia cuando era feliz. Yo estoy en el manicomio. Pero a los 19 años y 4 meses estar en el hospital, siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Siempre fui loco. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendes el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. Loca. Siempre fui loco. La noche con sus pensamientos. Yo estoy en el manicomio. No me deja. Siempre fui loco. La noche no me deja dormir. Extrait de l'album La Colifata, Siempre Fui Loco, plein de groupes de Barcelone qui nous ont fait le plaisir de se réunir pour un album. 4 titres, on vous avait le plaisir d'écouter ici sur Radio Contrabanda. Ça y est, ils nous ont fait le plaisir d'arriver. Le groupe, vous les connaissez, ils s'appellent Batuqueros de la Calle. On les présente plus, hein, c'est plus la première fois qu'ils sont dans les studios. Alors ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 à être venus ici pour nous faire plaisir. Ça nous fait plaisir. C'est vrai qu'ils font partie intégrante du programme, hein, parce que c'est la troisième fois. Hey! 2, 3, 4, 5! On est 5, vous êtes 5? Excuse-moi, mais j'ai des ordinateurs devant moi, j'arrive plus à compter. Puis il y a la Cerbessa qui m'aide aussi un peu à ne plus savoir compter. Ça, ce que vous entendez, c'est les petites instrus qui se préparent. Dans un tout petit instant, on va vous la représenter, parce qu'on ne cessera de le faire. Et ça nous fait tellement plaisir à vous aussi derrière votre poste de radio, je l'imagine. N'est-ce pas? Ça va, t'as couru, t'as cavalé un peu dans le truc? El segundo, por favor. Non, il veut pas. T'as qu'à lui filer. File-lui le micro qui est juste en face, voilà. Ouais. Non, il veut pas. C'est ce micro qu'il faut que tu prennes. Ah. Non, celui-ci, voilà. C'est celui-là. Ouais, ah, ça, tu ouais. Dis donc, je croyais qu'on m'entendait, mais non. Ouais. Non, c'est bon. Bon, bah voilà, bah, le micro 3, il marche très bien, Lorenzo. Comme on disait, bah écoute, on va les écouter, hein, parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils ont amené leur instrument, la basse sur ma droite qui s'accorde, on a François, on a Damien, on a Pierre, on a Fiti, mademoiselle, on va t'écouter en premier, quand même, parce qu'elle parle très bien français, on le dit La dernière fois, elle nous a insulté quand même. Hein. Ouais, elle a dit, elle nous a insulté quand même, enfin, on va pas lui dire de le redire, mais... Elle nous a insulté la dernière fois. En même temps, et juste un petit mot puisque je parle avec Pierrot, Damien, François, et puis vous pouvez dire un petit mot puisque je sais que Fiti et puis mademoiselle parlent aussi un petit peu français. J'en ai eu l'occasion de l'apprécier la dernière fois. Un poco. Un poquito ou solo un poco? Mais aujourd'hui, je ne veux pas. Tu ne veux pas parler aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, elle boycotte le micro. Mais elle va chanter, en tout cas, ça sera déjà le principal, c'est clair. Elle boycotte le micro. Juste un petit mot à notre ami François, parce que François, il avait un petit mot à dire par rapport à ce qui se passe en France. On en a discuté longuement tout à l'heure pendant cette première heure sur ce qui se passe en France, les manifestations. Demain, une manifestation nationale, générale en France. Les étudiants, les chômeurs et même les plus de 26 ans qui ne sont pas forcément concernés par ce projet de loi vont être dans la rue et vont se bouger le cul aussi par la même occasion. Et puis toi, tu voulais nous parler un petit peu de ce que tu avais entendu de notre président de la République. Oui, il nous a bien endormi. Il nous a bien endormi. Moi, ce qui me fait, j'imagine que vous avez dû le dire si vous en avez parlé pendant 2 heures. On en a parlé. C'est un nouveau, donc c'est. Moi, j'ai halluciné. On l'a regardé ici sur Internet. Chirac intervient pour dire, alors que les gens se battent depuis 3 semaines contre cette loi, il dit je promulgue la loi, c'est-à-dire la loi va être effective, mais en même temps, il faut la changer. Donc ça, on comprend pas trop, quoi. Je pense que la loi en elle-même, tout le monde gueule et que lui, en tant que président machin, va soutenir ses ministres qui mettent au point des projets de loi et que de ce fait-là, il peut pas forcément annuler la loi, chose que les étudiants Il a pas voulu, planter Villepin, quoi. Voilà, et donc il demande forcément une modification, chose que les gens contestent, et c'est pour ça qu'ils vont être amenés demain à manifester et longuement dans la rue, à foutre certainement le bordel. Sarkozy se frotte les mains là. Bien sûr. Parce que Villepin, il est grillé jusqu'à l'os. Chirac a pas trop osé le foutre un croche-patte énorme, mais bon, quand même, il prend la claque de sa vie, il pourra jamais se présenter à avoir des chances d'être élu, à mon avis, à moins qu'il devienne Superman d'ici là, quoi. Mais je pense qu'il Sarkozy, il est trop content, quoi. Il a très bien joué son coup. Et d'ailleurs, il l'appelle le démineur, hein, puisque c'est lui maintenant qui va s'occuper de tout ça. Ils ont mis De Villepin de côté. Et puis, ça va être à Sarko de s'occuper de tout ça. Voilà. Donc, Zorro débarque. Attention, ça va faire mal. Et ça fera encore peut-être certainement beaucoup plus mal en mai prochain, puisque les élections présidentielles en France arrivent très très rapidement. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, la semaine prochaine. Effectivement, il y a des choses à. Non, on n'ira pas jusque-là, non. En mai 2007, il faut le préciser pour nos amis qui ne le savaient pas, qui avaient déjà sorti leur carte d'électeur et qui allaient se pointer pour aller voter. Ça ne sera pas le cas cette année, ça sera le cas l'année prochaine, mais les choses arrivent très très vite. Il va falloir se méfier avec tout ce qui se passe. Notre ami Damien. Si. Qu'est-ce que t'as ? Il est là. Ça va ? Bien, toi, bien. T'as trouvé une femme et pas d'appartement ? Ah ouais. Et c'est vrai. Et une super belle chemise en tout cas, pour souligner, attention. Hein. Non mais c'est l'été, hein, c'est trop bien. J'ai trouvé une chemise aussi. Et on peut pas te louper à la Barceloneta comme ça. Elle est magnifique. Eh ouais. T'es jaloux, hein. Bah, c'est ta copine, ton appart ou ta chemise ? Ouais, Camille Zeta, quoi, pas assez. C'est à cause de tout ça qu'il a acheté la chemise. Putain, la vie est belle alors, Damien. Explique-nous alors. Toi, t'es ici en Espagne, tu viens débouler pour rejoindre le groupe en fait. T'es le dernier arrivant dans l'équipe. C'est moi, il m'appelle le. Le. Nino El Nino. El Nino, eh oui, mais bon. Mais en même temps, c'est parce que quand même, ils ont peur parce qu'ils savent qu'un jour, c'est moi qui prendrai la tête. Faites attention, les gars. Attention, l'élève peut. Ils en profitent pour l'instant là, mais bon, ils savent très bien que l'élève va déplacer. Dépasser le maître. Bon, les maîtres. Va dépasser le maître. En même temps, si tu le dépasses, tu vas le déplacer un petit peu. Donc, c'est bon. Ouais, on a tous compris le message. Et toi, tu viens de Toulouse ? Tu sais comment ça se passe à Toulouse en ce moment ? Non, pas du tout. Je vais y aller la semaine prochaine, là, voir faire un petit coucou à la famille. Un petit coucou à la famille. Il y a des potes étudiants qui sont dans la rue à manifester. Ah, sûrement, ouais. Je pense que la fac du Mirail, où j'ai passé quelques années, François aussi, elle doit être bloquée depuis un mois et demi avec les anarches qui doivent être là, défendre les barricades tous les matins. Et effectivement, on parle beaucoup de Paris, on parle beaucoup de la Sorbonne, mais toutes les villes de France sont concernées. La manif concernera bien entendu toute la France et toutes les grandes villes de France, à commencer par Toulouse et Marseille, qui sont quand même les deux villes qui se bougent le plus dans le sud en ce moment. C'est vrai, c'est voilà. Chaud d'ailleurs. Enfin, faut penser à ceux qui manifestent pas, hein, parce que peut-être que Damien aurait passé un mois et demi de vacances, tranquillou pendant les événements, on sait pas. Ah non, j'aurais passé un mois et demi de... à jouer d'action, quoi. Ah ouais, dans les barricades, voilà, t'aurais jeté le sable, pas les pavés, tout ça, quoi. J'aurais jeté les briques, parce qu'à Toulouse, c'est les briques, quoi. Ah, c'est très important. Pavés, quoi, donc. Ouais, la ville rose, hein. Sous les pavés. La ville rose, on va vous écouter dans un tout petit instant les bateaux qui rosent, puisqu'on a eu l'occasion de vous entendre il y a quelques semaines, mais c'était très rapide puisque c'était en fin de cette émission, juste le temps pour nous d'annoncer votre concert, et des concerts il va y en avoir, à partir de mercredi d'ailleurs, gratuit, ça sera à partir de 22h, c'est pas loin de la Calle Escuderiels, le bar s'appelle le... Allez. Alors bah, je sais pas moi, c'est voilà, c'est à eux de nous dire quoi, c'est vrai qu'il y a une grosse actualité je crois... C'est on va quoi, demander à mademoiselle voilà. Comment s'appelle le nom du bar dans lequel vous allez jouer mercredi? Le Sorrento. Le Sorrento. El Sorrento. Et est-ce que tu connais le nom de la rue qui est pas loin de la calle? Si, la rue s'appelle Nagla. Nagla. Angla. Angla. Nagla, non? Nagla, si, Nagla. Angla. Angla. Se c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue Escudeyers. Au milieu d'Escudeyers, quand tu vas vers le Tripi, sur la gauche, il y a une petite rue, c'est celle-là. Parce on joue mercredi. Exact, voilà. Exact. Enfin, change 10 fois de nom, cette rue. Il y aura un concert aussi prévu aussi, bien sûr, suite, le jeudi. Et c'est au Corto... Cada jueves, los batuqueros de la calle, al Corto Club. El Corto Club, et ça, ça vaut le coup d'y aller. C'est en haut du Raval, et on vous conseille vivement d'aller les voir sur scène. Donc ça se passera donc mercredi et jeudi, et puis aussi dimanche, hein, puisque dimanche, vous avez aussi un concert de prévu. Alors. Oreille. C'est Oreille. C'est un peu une petite tournée barcelonaise, quoi, parce qu'il y a une grosse actualité. Combien de concerts alors qui vont enchaîner là? 3, 4, il y en a un autre de prévu prochainement ou... Comment ça se passe? Non, si regarde pas Damien, il est pas au courant. Je regarde Damien, il y a François. Je pars en vacances là, donc ils vont devoir arrêter parce qu'ils... Ah, ça y est, le groupe va marcher alors. C'est bien, les gars. Bah disons le Sorrento, c'est un concert acoustique, quoi. La salle est petite, le Corto c'est plus amplifié, avec le piano branché. Et puis c'est pas la première fois que vous jouez au Corto Club. C'est pas la première fois, vous avez l'occasion déjà de faire 2-3 tous les jeudis, ouais. Tous les jeudis, ouais. Effectivement, depuis un mois maintenant, depuis 3 semaines. Résident tous les jeudis au Corto Club. Et puis au Rail, bien sûr, dimanche soir, ça sera à partir de 19, 20, 20h. Quelle heure? Ça doit être logiquement 19h. 19h. 19h, 20h. Voilà, pour terminer en beauté la semaine, comme d'habitude, au Rail chaque dimanche. Quoi. Et c'est puis clair. Pour la terminer, puis aussi bien la commencer, nous on a eu l'occasion d'aller voir Gadjo au Rail, effectivement c'était à partir de 19h, c'était la semaine dernière. Et dimanche prochain, ça sera autour des Batucaros de la Cali que vous allez entendre dans un tout petit instant, ici même, avec Pierrot, le sourire aux lèvres, la guitare, tu la prends, et on vous écoute, les gars, on ne cessera de vous écouter. Si, a priori, tout devrait marcher. Si tout va bien, tout devrait marcher. On va faire un dernier petit test. Ok, c'est bien, tout va bien, ça fonctionne. On y va les batouques roses à la cahier, quand vous voulez. Tac. Qu'est-ce qui donne le feu vert? C'est Pierrot, c'est parti Pierrot. Let's. Hoy señores noche y día, porque negrito bembón, todo el mundo lo quería, porque negrito bembón, todo el mundo lo quería, y llegó la policía y arrestaron al matón, uno de los policías, que también era bembón. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Y sabe la pregunta que le hizo el matón. ¿Por qué lo mató? ¿Le usted la razón? Y sabe la respuesta que le dio el matón. Yo lo maté por ser tan bembón. El guardia escondió la bemba y le dijo... Esa no es razón, esa no es razón, esa no es razón. razón. Esa no es razón. Esa no es razón. Esa no es razón. Esa no es razón. Esa no es razón. Esa no es razón. Que viene el matón, pero que esconde la bemba, que viene el matón. Que esconde la bemba, que viene el matón, pero que esconde la bemba, que viene el matón. Que esconde la bemba, que viene el matón, pero que esconde la bemba, que viene el matón. Esconde la bemba. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, mais on est habitué nous ici, hein, quand même. Ça fait la troisième fois, mais c'est toujours autant d'émotions, c'est clair, et c'est toujours autant le bordel aussi dans le studio. Donc c'est pour ça, tranquille. Il y a des téléphones qui sonnent, il y a des membres du groupe qui sont pas encore arrivés, donc on va prendre le temps de les recevoir tranquillement ici dans les studios, puisqu'à l'origine ils sont quoi ? Ils sont 5 ici dans les studios, et normalement ils sont quand même un petit peu plus. Hein. Ça va, tranquillos, au téléphone ? T'appelles ta meuf, ça va, tranquille ? Elle va bien ? C'est Django qui devrait pas tarder à arriver. Django qui a jamais l'occasion de venir ici dans les studios accompagner le groupe Les Batuqueros. C'est pourtant qu'on a l'occasion de voir sur scène, qui fait des percus, c'est ça, hein ? Il fait des percus quand même, notre ami Django. Ouais. Il fait un paquet de choses. On a l'occasion de le voir sur la plage vendre ses beignets avec son chapeau, quoi. Bambolino, c'est bien ça. Donc Django, un personnage du quartier aussi, comme il y en a plein. La mascotte du groupe. Mascotte de la Barceloneta. La mascotte de la Barceloneta. Multicasquette Django. Il va pas traîner à vous rejoindre ici dans les studios. En attendant, si vous avez envie d'enchaîner, en attendant Django, allons-y. On va aller lui ouvrir la porte tranquillement pour qu'il puisse se pointer. Vous rejoindre. Ranchera, vamos. Allez, Ranchera, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. On y va. pas, ça se passe en direct sur Radio Contrabanda pour vous qui nous écoutez par le biais du net www.contrabanda.org et puis pour les autres par le biais de leur poste de radio tout naturellement sur le 91.4, c'est la fréquence sur laquelle vous nous écoutez tous les lundis à partir de 21h30 et ce jusqu'à 23h30, les Batucaros de la Cali qui nous font l'immense plaisir de venir pour la troisième fois consécutive. Alors quoi que, non, c'était quoi, il y a deux petites semaines maintenant là. Ouais, c'était l'occasion, ouais, c'était les portes ouvertes à Contrabanda, on avait invité tout le monde, et c'est vrai qu'il y a eu du monde ce passage, il y avait eu Fernando, il y avait eu qui Fernando dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, puisqu'il se bouge lui-même le cul aussi pour aller en France, notamment à Marseille très prochainement pour aller manifester avec nos amis étudiants, et toute la clique qui seront dans la rue à partir de demain, voilà, ça se passe comme ça. Bah, les Batucaros de la Cali qui vont se compléter dans un tout petit instant puisque Django, percussionniste, va pas tarder à se pointer dans les studios, à les accompagner au percu. qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On l'a perdu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous l'avez perdu là, ça y est. Il est déjà au Corto Club, il vous attend, je crois, sur la scène. Ouais, bon jeudi. Notre ami Django. Au passage, les Batucaros, comme vous le disiez il y a deux petites minutes, qui seront en concert donc mercredi, on ne cessera de le répéter jusqu'à la fin de cette émission. Il faut se pointer là-bas, c'est la première fois que vous allez jouer là-bas sur cette scène, non? Ça sera mercredi. C'est la première fois que vous allez jouer sur mercredi dans le bar dont on parlait tout à l'heure. C'est un bar, ouais, c'est un petit bar en fait, hein. C'est un tout petit bar, il n'y a pas de scène en fait, c'est entre nous, ça contient à peine 30 personnes quoi. Un petit bœuf, tranquille, entre amis, d'accord. Alors, pour tout le monde intime, est invité. Hein. Pour être intime, il faut se pointer vers 22h. Même un petit peu avant, même carrément. Il y a Damien qui se demande si ça se passe dans la cave. Ça se passera dans la cave, Damien, ou pas? C'est pas la cave, non, parce qu'une fois on atterrit dans une cave aussi, 30 personnes maximum. Ah ouais, c'est au Make Tube, c'est ça, dans le sous-sol, voilà. Bonne ambiance aussi, hein, lieu incontestable du quartier, c'est vrai. Du Make Tube. Encore plus petit. Mais vous qui êtes nombreux, ça doit être un peu compliqué, mais c'est pas bien grave. Toujours est-il qu'on a eu. Puis Contrabanda vous connaît plutôt pas mal puisque lors de la dernière soirée pour essayer de sauver un petit peu les meubles et puis essayer de faire en sorte que nos amis auditeurs puissent nous écouter correctement pour sauver cet émetteur qui s'était cassé la gueule, vous avez l'occasion aussi de venir là-bas, ça s'est passé au Magic, je crois que c'est ça, ça s'est passé dans le Born. C'était très sympa à vous d'ailleurs d'être venu. La scène était peut-être petite par rapport au nombre de personnes qui étaient sur scène, à savoir les Batucaros. Vous êtes combien? Vous nous l'avez dit une fois. Dans le groupe on est 9, mais dans les petits concerts comme on va faire mercredi en fait, on sera 6 à peu près. 6 ou 7, mais ça change beaucoup la façon dont vous jouez. Est-ce que c'est difficile de jouer à 6 ou 7? On garde la base à chaque fois. Mm-hmm. Et donc il y a les... la française. Les Gabachos qui est sur scène. Ouais, voilà. Et donc après, ouais, c'est des potes, c'est des collègues rencontrés dans la rue qui viennent, c'est spontané, ça se passe comment en fait? Parce que c'est vrai qu'on peut voir autant à 12 qu'à 5, qu'à 7. Donc ça se passe comment? Il y a des amis qui se rajoutent, comme les Bacchanabis Satis. Et là, on peut considérer que la base, elle est là. Elle est dans le studio. Là, en ce moment, entre Pierrot. Là, on peut dire qu'il y a une bonne base. Hein. Ouais, il y a une bonne base. Mais est-ce que c'est celle-ci? Si, par exemple, comme tu dis, vous êtes 9 avec ou 10. Avec Django, qui va bientôt arriver. Avec Django qui débarque, normalement, vous êtes 6. Donc, mais là, c'est la base. On rajoute les cuivres à chaque fois. Quoi. Et là, combien de temps maintenant que tu es à l'origine des Batucaros, Pierrot? Là, ça va faire 5 ans qu'on est dans le projet, à peu près. Ça fait 5 ans maintenant. Donc, le groupe, c'est au début, vous êtes parti à combien? Bon, on est parti. On était parti à 3, quoi. Vous êtes parti à 3 avec Django et Ronaldo. Et Ronaldo qui est plus là d'ailleurs. Après, il y a François qui est venu. Mm-hmm. Ronaldo, non, il est plus là. Il est parti, il continue la musique. Il continue la musique de son côté. De son côté. En France ou en Espagne, à Barcelone? À Barcelone même. À Barcelone même. Et vous avez continué. Il disparaît, il réapparaît. Voilà, le délire des musicos. Ouais. Et Gabachos aussi, lui, ou pas du tout? Lui, il est quoi? Il est d'origine espagnole? Ronaldo, il est cubain. Il est cubain. D'accord, c'est lui qui vous a donné aussi la petite touche cubaine. C'est le maestro, ouais. C'est le maestro. C'est ça. Et lui, il joue quoi, de la guitare? Lui, il joue le güiro, cet instrument. Ah. Vous ne voyez pas. Ah, d'accord. Non, bah, ça n'a rien à voir, effectivement. C'est le bout de plastique des chantiers trouvés sur la route. Et ça sonne. Qui chante. Bien vu. Effectivement. Bouge de mots. Et qui est catalan aussi, non? Il est catalan? Elle est cubaine, oui, pardon, excuse-moi. Oui. Oh là là, je suis plus là. J'ai loupé une phrase. Bon, la base, elle est là en tout cas, Batucaros. On y va, les gars? Si vous avez envie d'enchaîner ou préférez attendre votre percussionniste qui va pas tarder? Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va attendre Django. Juste le temps pour nous de vous faire apprécier. Ou alors, Kenan peut nous faire un petit acapella. Ah, bah, ça sera avec plaisir. À défaut de ne pas parler, puisqu'elle a pas envie de parler aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de chanter aujourd'hui toute seule? Une chanson de ton pays pour la France. Est-ce que tu as envie de chanter pour la France? Pour la France. Ouais, ou alors pour les auditeurs qui nous écoutent. Ce n'est pas forcément des Français. Pour la France. Alors pour la France. Pour nos amis français. Une chanson de paix. Maintenant. Shalom. Shalom. Est-ce que tu as envie de le faire? Un petit a cappella, un truc improvisé, comme tu veux. A cappella? C'est la seule voix féminine du groupe, il faut le rappeler. Hein. C'est important aussi. Hein. C'est dommage, on la voit pas. Mais... Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Effectivement, vous n'avez pas l'occasion d'avoir les images. Nous, on écoute, a des images. Lorenzo, il y a un petit duo qui se montre sur ma gauche avec Damien qui voudrait participer. Un petit duo spontané avec notre charmante compagnie. Mais là, voilà. Sinon, il y a Django qui est là. Toi, compagnie. Allez, Django, présente-toi. Ça va. Bonjour, Mr. Django. Allez, Django, on t'écoute. Un petit mot pour ton arrivée magistrale. Il faut le soutenir. Comment ça va? Yeah. Et puis on l'appelle aussi la pile électrique, hein, c'est comme ça qu'il fonctionne, notre ami Django. On attendait plus que toi pour continuer. Il voulait pas continuer, il voulait pas faire de zig si t'étais pas là, Django. Il s'est changé et tout pour venir. Django, y a pas de caméra. C'est pareil. Les caméras sont pas là, Django. Toujours est-il que toi t'es bien là. C'est pas grave. Il voulait... Mais vous avez piqué les claves, les gars. Ils sont là. Bon. Tout s'improvise ici dans les studios. Tout s'improvise. Aussi bien les percus que la guitare. Bah, on va l'écouter un petit peu, ouais, Django. Présente-toi, parce qu'on t'attendait, tout ça. On a un peu brièvement parlé de toi, devant le micro. On improvise. Puis c'est surtout le... On va faire une impro. Bonjour, bah, moi c'est Django, je suis un copain des copains là. Qui sont tous là, effectivement, ouais. On est tous des copains ici, des amis. Et c'est surtout... parti, on va faire encore un peu de musique. Et c'est surtout toi, la première fois que tu viens dans les studios de contrebande, ouais, là, avec tes amis Bateau Carlos. Hein, c'est sympa ici. Ouais. C'est cool, hein. Et ouais, c'est cool. Sympa, hein. Sympathique. On y va, c'est parti, tu nous fais un petit coup de percu là pour te présenter. Let's go. Ça serait la meilleure façon de le faire. On va faire une petite intro. Mais prends le mic. Yeah, moi j'adore moi. C'est le bordel, c'est comme dans la cave. Comme dans la cave. Latine. Fond du garage. Comme dans la cave mercredi, ça va se passer aussi comme ça mercredi prochain. S'il vous plaît, c'est ça la France. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour nous demander nos papiers, pour nous arrêter sans arrêt? Mais qu'est-ce qu'on a fait? À tous les coins de rue, il y en a 100. Et aujourd'hui, en plus de ça, ils nous foutent des caméras. Aïe, aïe, aïe, des films et alors souris. Merci à qui? Merci Sarkozy. Hey, merci à qui? Merci Sarkozy. Merci à qui? Merci Sarkozy. Ouais, ouais, ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait pour nous demander nos papiers, pour nous arrêter sans arrêt? Mais qu'est-ce qu'on a fait? One more time, yeah! Qu'est-ce qu'on a fait pour nous demander nos papiers, pour nous arrêter sans arrêt? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vraiment ici, moi je me mets dans la besta. Aïe, écoute ça, ici je viens chanter. Vraiment ici, moi je viens chanter pour toute la liberté. Aïe, je viens chanter contre le CPE. Pour que ceux qui manifestent en ce moment pour que ceux qui manifestent en France viennent chanter. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous demander nos papiers, pour nous arrêter sans arrêt? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour nous demander nos papiers, pour nous arrêter sans arrêt? Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est déjà pas mal. Moi je savais pas que t'avais des talents de chanteur aussi, Damien. Il y a un truc que je savais pas, c'est que t'avais des talents de chanteur. Ah ouais? Bah ouais, ici même devant le micro d'ailleurs. Sans déconner, je suis assez surpris, moi je la connaissais pas celle-là. Mais vous répondez à l'actu puisqu'on en a parlé il y a quelques petites minutes et ça fait plaisir de savoir qu'en musique vous avez répondu à tout ce qui se passait. Est-ce que vous avez été vous-même victime de ce qui se passait dans la rue, des contrôles d'identité par délit de faciès ou parce que vous avez des guitares dans les mains? Est-ce que ça se passe comme ça aussi en France? Ah oui, en France. À Toulouse aussi? En France, si tu bois une bière dans la rue, on peut te mettre les menottes, quoi. Je l'ai vu de mes yeux, quoi. C'est pour ça que j'ai écrit ça, quoi. C'est un truc qui m'a choqué. Un jour, j'ai vu un mec se faire mettre les menottes, quoi, parce qu'il buvait dedans, parce qu'il buvait une bière au bord de la Garonne et qu'il limite il a dit aux flics je fais rien de mal, vous abusez là, quoi. Mm-hmm. Voilà, quoi, il y a rien de plus, quoi. Ils sont pas d'insultes ni rien, quoi. Et c'est des choses dont on a parlé aussi beaucoup ici, puisque vous, musicien, vous êtes venu aussi chercher ça ici à Barcelone, c'était de pouvoir avoir une certaine liberté en matière de musique, de pouvoir vous exprimer. Barcelone commence à beaucoup changer, il y a beaucoup de projets de loi qui sont votés, beaucoup de projets de loi qui sont mis en place concernant les musiciens, essentiellement, qui est quand même la cible première des politiques ici à Barcelone et en Catalogne. Est-ce que vous, c'est un truc qui vous est arrivé régulièrement ici, toi, puisque tu étais le dernier débarqué de la troupe et qui est à l'origine de la chanson qu'on vient d'entendre? Ici, on a eu la joie d'avoir la police, la Guardia, qui est passée nous voir à la Boqueria pendant qu'on jouait. Mm-hmm. Et qui nous a dit qu'il ne voulait pas de musiciens à la Boqueria et que... Et vous jouiez comme ça dans la rue, pour plaisir? Je jouais au marché, quoi, à la Boqueria. D'accord, pour plaisir, vous avez improvisé non, tout ça. Non, c'est notre travail, quoi. Mais vous aviez improvisé tout ça. Bien sûr. Et donc, ils nous ont dit qu'on était... Voilà, on n'avait rien à faire là, place. Qu'on n'avait pas le droit d'être là et que... S'ils nous envoyaient, ils nous prenaient tous nos instruments, moulta, etc., quoi. Et je crois que, ouais, ils prennent les instruments et qu'après, pour les récupérer, je crois que c'est deux fois plus cher que le prix de l'instrument lui-même. Ouais, ça nous est arrivé plusieurs fois de nous les faire taxer, d'ailleurs. Les instrus? Ouais, ouais, carrément. Bah, l'essentiel, c'est qu'on va continuer à faire de la musique et avec le soleil et tout, hein. Bah, il faut, hein. C'est important, hein. Et tant qu'il y a du soleil, il y a la musique. Et c'est pas toi qu'on va apprendre tout ça, Django? Ça fait combien de temps que tu joues de la zik maintenant, toi? Résident catalan depuis tout petit, depuis quoi? C'était tout petit, ils ont voulu que je fasse de la musique. C'est vrai. Il y avait de la musique partout, alors j'ai eu cette chance, je crois. C'est vrai. Et du coup, je voulais... Paradoxalement, c'est quand on oblige quelqu'un à faire de la musique qu'il apprécie pas la zik et qu'il veut pas continuer. Toi, c'était le contraire, c'est une famille de musiciens, ils t'ont branché. Ouais, après, c'est dans la rue, dans la rue, j'ai vu la musique. La percu? La percu, ouais. Direct, la percu. Et t'avais joué dans un groupe déjà en France ou quoi? Non, avec Pierre, on a joué, on avait des groupes en France, en fait. Ouais. À l'époque, c'est pour ça que je suis venu ici, je suis venu le voir, j'ai voulu l'emmener. C'est vrai, donc toi, t'es arrivé après Pierrot, toi. C'est Pierrot qui s'est bougé jusqu'à Barcelone. Ah, il a fait Erasmus, et moi j'avais 20 ans, je commençais les études. Et puis j'ai fait chercher un stage à Barcelone, bien, avec moi une semaine. Je suis venu ici, waouh, grosse claque dans la gueule. Et est-ce que vous, d'ailleurs, qui êtes là à Barcelone depuis un bon bout de temps, parce que nous, perso, on n'a pas forcément vu la différence, en tout cas en ce qui me concerne, dans mon cas, est-ce que toi, tu l'as vu la différence au niveau des projets de loi qui sont votés, qui se baladent dans la rue, au niveau du côté un peu sévère qu'il y a par rapport aux musicos qui se pointent dans la rue et qui essaient de gagner de leur vie comme vous le faites? Ouais, dis-nous un peu. Ouais, ouais, bah, c'est compliqué comme thème. Mais bien sûr, hein, j'ai vu pas mal de choses, quoi. On a un peu tout fait. Hein. Bon, au début, c'est assez frustrant, hein, quand je suis arrivé ici à Barcelone, de voir que, moi je fais la percussion, alors la percussion déjà c'était interdit. Alors t'arrives, on jouait sur le soleil, les touristes, tout le monde il est content, on joue. Bon après les voisins, je veux bien comprendre certains voisins, mais après ils ont mis une loi sur tout Barcelone, c'est un peu exagéré, et puis la loi elle est exagérée, quoi. Par rapport c'est à clair, ça, mais, et puis bon, tu te fais quitter tes instruments, ou tu te fais... Nous on a toujours essayé, on a fait un peu de bordel quand même, ça c'est, on va pas dire le contraire. Des fois en jouant tout le temps pareil au même endroit, mais... on a quand même après, on a cherché des solutions, tout le temps à jouer dans des endroits où on dérange personne, et plus ou moins ça. Que t'as vécu un peu la bonne époque du parc d'Assoutia dès là. Ah bien sûr, c'était folie, ça c'était. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Barcelone, quoi. Parce que le dimanche en France, bon, le dimanche en France, c'est cool. Bah, y a téléfoot et puis après y a. Voilà, puis. Il y a Jacques Martin aussi. Chercher les gens, ils sont où les gens et tout pour qu'on se rencontre et tout. Et c'est à Barcelone, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait une rencontre assez incroyable. Comme il y en a, il y en a toujours. Hein. C'est une ville où finalement il y a des énergies assez intéressantes et inoubliables. Et qui effectivement depuis un bon bout de temps voit les choses un peu disparaître. Et Théa, puisque vous êtes la cible première des politiques maintenant, les musicos de la rue, il faut les interdire. Il ne faut plus entendre des cibles, on va pas. Ah, mais quand même, hein, au niveau des projets de loi qui ont été sortis, c'est quand même les musicos qui étaient les premiers visés. Raph aussi, les skateurs aussi. Les skateurs, ils ont plus le droit de skater, ça, c'est la folie. Hein. C'est la folie, voilà. Donc maintenant, il faut que. Le MACBA, ils ont le droit de skater quand même. Non, ils ont plus le droit. Logiquement, ils ont pas le droit. Moi, j'habite devant le MACBA. Ah, après, voilà, les lois, elles sont comme ça. Quoi, toute la journée, quoi. Ouais, bien sûr, ils sont là, mais. Toute la nuit, les gars, ils se lèvent à 9h du mat pour venir skater. Ouais, mais attends, tu vas me dire, nous aussi, on a continué à jouer. Des fois, ça a été. Je pense que. Ça dépend, il y a quand même. Après, il y a quand même des jours, hein, samedi, dimanche, ça dépend, les lois sont là, les flics, des fois, ils sont bandes, des fois, ils te laissent pas, ça passe. Si c'est le samedi, dimanche, c'est, voilà, quoi, comme on en parlait, le problème de Barcelone qui se vend pour les touristes, il y a quand même un laisser-aller, des fois, mais des fois, c'est blinde, c'est une période quittée à tout le monde. Il faut réguler le marché. La bourse. Exactement. La bourse. Ouais. C'est vrai que les marchands clandestins sont toujours là, et les prostituées aussi, et les musicos, espérons. On est encore là. Et encore là, j'espère. Et vous êtes là aussi pour développer le truc. Ce qui est hallucinant, c'est qu'avec leur loi, voilà, comme tu viens de le dire, on est dans le même sac que les prostituées et les dealers, quoi. Les marchands clandestins, tu vois. C'est incroyable, quoi. Tu joues de la musique et finalement, tu te rends compte que t'as l'impression de faire un crime ou quoi. On nous met dans le même sac. C'est justement ce qui fait plaisir. C'est très, très frustrant. C'est énorme, c'est que tout le monde se soutient, c'est franchement intéressant à ce niveau-là. Voilà. Autant les musiciens que les gens, la rue nous appartient, quoi, mais c'est ce qu'on a l'impression qu'a disparu. Et c'est pour ça que les gens se sont d'ailleurs manifestés il y a encore quelques semaines dans les rues de Barcelone pour essayer de provoquer un peu tout ça et puis de dire qu'effectivement la rue c'est aussi un moyen d'expression aussi bien pour les musiciens que pour tous les gens dont on vient de citer la profession. On va vous écouter les Batucaros de la Calier parce qu'on en a marre de parler nous, on a besoin de vous écouter en musique car... Est-ce que Pierrot, tu nous donnes un petit peu le tempo, là, on y va, c'est parti. Allez, le feu vert, Pierrot, c'est parti. Batucaros de la Calier, ça se passe ici sur Radio Contrabanda. Il est 23h10, dans 20 petites minutes, on vous donnera l'occasion d'écouter enfin un programme catalan. Mais en attendant, c'est les Gabachos qui prennent l'antenne. C'est parti les mecs, quand vous voulez. 1, 2, 3, 4. Ils se préparent, hein. Je vous laisse se préparer les musicos, hein. Ils enchaînent. Allez, fiti, tac, tac, tac. On enchaîne. Préparation. Oui, vous voulez quoi là comme musique là? Ce que tu veux, vas-y, tu donnes le tempo, c'est parti. Fais-toi plaisir, comme si t'étais à la playa, Barceloneta, le soleil. Thank you. Existe arte, a política. Si pudiera cambiar alguna cosa en el mundo, demasiadas cosas para cambiar. Me pondría de bajista en Chepalowski. Yeah, yeah, yeah, yeah. This is Zikan Revolution. Hey. Si tu tens la بابا هي بالمانك برانا تنزل شوف رجيب كدونا غوزو ناسنديك سيدو دين لابا هي بالمانك برانا تنزل شوف رجيب كدبابر ما كدونا ميش سيدو دين لابا هي بالمانك برانا تنزل شوف رجيب كدبازا فيا كدبازا دريس سيدو دين لابا هي بالمانك برانا تنزل شوف رجيب كدبازا فيا كدبابا دي سيدو دين لابا هي بالمانك برانا تنزل شوف رجيب كدونا غوزو ناسنديك Si tu ten la bahia palmare, brava te già sopra e zitta, cosa fia, cosa triste. Si tu ten la bahia palmare, brava te già sopra e zitta, cosa ti che papà di. Et ça se passe maintenant avec les Batuqueros de la Calle. Plus d'une dizaine de petites minutes ensemble. C'est parti, Batuqueros, on vous écoute. Non, c'est ici, non, c'est ici. C'est parti les Batuqueros, quand vous voulez. C'était juste le petit signal. On va foutre le bordel. Il va foutre le bordel. El amor y es nuestra única riqueza. Somos la mala hierba, tu huerta artificial. Un sueño en Babilonia, un encuentro internacional. Bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, para siempre luchando por la paz. Bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, traigo rumba para ti. Porque baile lo que yo canto de noche a la mañana. Así, así, yo traigo rumba para ti. En el barrio de Barcelona vengo cantando cuando sea. Así, así, rumba, yo traigo rumba para ti. Rumba, rumba buena, en la que canto a toda hora. Así, así, yo traigo rumba. la fiesta. Así, así. Hoy día empezó la fiesta. Así, así. Yo traigo rumba para ti. Bienvenido a la noche. Que goce, se mueve la cintura, mamá. Qué rico, qué rico. Así, así. Yo traigo rumba para ti. De la calle no podemos tocar, atención, atención. Entonces venimos trayendo un corito. Escucha, Ingo. Somos la mala hierba que sube, la que baja, la que se agarra a tu ventana, la que canta, la que llena y la que sube, la somos que mata, la mala hierba, la que viene cantando en Barcelona. De la Cali qui nous a fait l'immense plaisir de venir dans les studios aujourd'hui en ce lundi 3 avril. Merci à vous les gars, on vous retrouvera mercredi en concert. Et puis c'est jeudi clair. Soir aussi au Corto Club. Et puis encore dimanche soir au Rail. Et avec le sourire, on va se quitter ici sur Radio Contrabande. Merci, un grand merci à merci, tous. Merci, merci à vous. Hein. Bah, merci, c'est pas. Qu'est-ce qu'on rigole encore là. On rigole là. Contrabande. Ouais, les gars, pas de chance, c'est cool. Merci. A bientôt hein, sur la radio. Hein. Ouais. Mais vous ouais, c'est, voulez, hein. C'est pas fini. Attends, deux secondes. On va rappeler vos concerts. Il est très important parce qu'il y a du boulot cette semaine encore dans la rubrique concert. C'est que ce soir, attention, événement, la Fiesta Canamo. Bon, pour ceux qui y sont, ils nous écoutent pas forcément, c'est clair. À part rater, il y avait El Capel Nour qu'on vient d'écouter. C'était Chapalowski, le nouveau projet. Il y a les Pirates de son système, la Trouba Kung Fu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir encore mercredi 4, les Brésiluna Session au Sidecar, comme d'hab. Marma Milota, son underbar, c'est gratos. Mercredi, on en a parlé, attention, les Batuqueros. Usa Sorrento à 22h, et c'est gratos, c'est bien ça, je crois. Et c'est gratos, et c'est pas loin c'est d'ici. C'est où bah, au Toronto. Ah, c'est où, François va nous le redire. Alors, parce que par rapport à la rue, c'est dans une rue qui part de Escudellers, qui est au milieu d'Escudellers. Il paraît que c'est à Barcelone, ouais. Il paraît que c'est à Barcelone. C'est à Barcelone. C'est à Barcelone. Ouais, et c'est pas loin d'ici. On va terminer vite fait en beauté, ouais, rapide. On termine parce que, attention, événement, bah ouais, toujours les Batuqueros au Corto Club, 5€, 23h. Vendredi, Cyan Supacru, et ouais, il débarque. Il y a des groupes français qui viennent ici à l'Apollo, 15€, c'est un peu cher, mais bon, on s'en fout. Pour ceux qui aiment bien, faut y aller. Voilà, Diallo Real, au Mondo Carnival, ça c'est à Sardinas et Valles. Il joue le samedi à la Fiesta d'avril. Attention, gros stuff, Nubaris, samedi. Nubaris, Fiesta du quartier. Et dimanche au Rail, quoi, comme on disait, et au squat à Barceloneta, jam session pour ceux qui veulent. Okay. Et voilà. Et quant à nous, on se retrouve lundi prochain à partir de 21h30, comme tous les lundis, votre programme français, 21h30, 23h30, 2h avec les Gabachos. Ça se passe ici sur Radio Contrabanda. Un grand merci à vous. Merci Sylvain pour ces petites infos. Encore plein de concerts, plein de soirées à faire. Et puis des Batu Carozo La Calier dans le cœur. NL Colin. Faut gueuler! Allez, reste 20 secondes! Allez, faut gueuler! Je pull up. Merci les gars! Merci encore. Merci à vous. Merci à la voix féminine. Merci à toi Django, merci à toi Pierrot, François, Damien et toute la clica et Fiti qu'on n'oublie pas qui est dans le coin aussi avec sa basse. Un grand merci les Batuqueros, mercredi, samedi, dimanche et puis jeudi aussi au Corto Club. Et surtout à la prochaine. Merci, à mercredi prochain. Merci dans les lundi, semaines. Ciao, 21h30. Chez nous faire un stage en commun. Ne me dis pas. Allez, adieu.